Unité 7. C'est la vie. Situation 1. Une rencontre inattendue. Page 94. Activité 1. Écoutez le dialogue, puis répondez aux questions suivantes. Justifiez vos réponses.